Salut tout le monde, c'est Sei, bienvenue à la 21e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et on est très content de vous retrouver pour cette deuxième saison d'Autour d'un VR. Ça nous fait vraiment plaisir de vous retrouver. Et pour m'accompagner pour cette première émission de la saison 2, on retrouve notre poilu barbu préféré, Cyril. Salut Cyril. Salut tout le monde. Enchanté de revenir sur le plateau. C'est bientôt la rentrée pour vous et pour moi, c'est bientôt les vacances. Donc c'est parfaitement bien que t'es comme ça toi. Ouais. T'es comme ça, tu pars en même temps que les vieux, d'accord. C'est ça, ouais. Ouais, t'as bien raison. Ensuite, on a notre funky spanky Spanks. Salut Spanks. Salut à tous. Salut tout le monde. Ça va? Salut. T'en chies bien au boulot au moins? Ouais, pendant que je te remplace, tout se passe bien. Tu kiffes? J'aime bien tes clients. Tu kiffes? T'inquiète pas, quand tu vas revenir, je les ai mis bien tes clients. Parfait. Profite de tes vacances. Après, voilà, profite de tes derniers jours. Ouais, je profite. Sur No Man's Sky. Je profite. Voilà. Ensuite, eh ben, on a un ancien nouveau ou un nouvel ancien. Je sais pas trop comment dire en fait. Barbu. Et barbu aussi. C'est vrai qu'il y a un concours de barbe et d'accent. J'ai l'impression. C'est Steph. Salut Steph. Salut à tous. C'est ma grande première, hein, donc. Voilà. Ah ouais, bienvenue. Bah, en tout cas, c'est cool de t'entendre. Tu viens d'où? Tu viens du Nord, Steph, ou quoi? Du Nord. Mais du Grand Nord. Hein. du Grand Nord. Du Nord de la Méditerranée. Ouais. Et, voilà. Et donc, pour cette nouvelle émission, on va revenir sur un petit peu ce qui s'est passé pendant cet été. C'est pas passé énormément de choses. Et c'est tant mieux parce que vu les grosses vagues de chaleur qu'on s'est pris sur la tronche, ben c'était quand même pas évident de mettre un casque. Mais ça nous a quand même pas empêché de jouer parce qu'on est des gros warriors. On a eu notamment, je pense que c'est le plus gros événement qu'il y a eu en VR, en tout cas sur PSVR de cet été, c'est l'arrivée du patch VR de No Man's Sky, qui est déjà un vieux jeu qui est sorti le 10 août 2016, jeu de Hello Games. Et on a le patch donc qui est tombé le 14 août, et donc on a pu s'y essayer un petit peu tous ensemble, normal. Hein. Et bon, on va vous dire un petit peu ce qu'on en a pensé. Par exemple, Spanx, je crois que c'est toi qui a passé le plus de temps dessus. T'en as pensé quoi? Est-ce que t'as été déçu? Qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux dès que t'as lancé la version VR? Alors en fait j'avais joué qu'une vingtaine d'heures, je crois que j'avais joué 24 heures en version plate, donc j'avais pas non plus super avancé. Oui, que ça, sur ce jeu c'est vrai que c'est très peu, c'est clair. C'est ça qui fait plaisir à entendre d'ailleurs pour un jeu VR maintenant. Et donc bon, la version PC, après quelques réglages, j'ai pas si mal que ça, ça aliase et tout sur certaines textures, mais bon. Ah, c'est vrai que toi tu l'as sur PC, tu l'as pas sur PSVR. Voilà, moi je joue avec le Oculus Rift S. Et sur PC il est très très bien avec une 1080, enfin très très bien, il n'est pas dénué de bugs. Si je dis ça je vais me faire un chic qui marche super bien, mais mais non, il est bien, il est plutôt agréable à jouer en VR, malgré certains petits bugs. Franchement ça marche bien, même le vaisseau finalement, alors au début j'étais très sceptique, je pense que ça a été comme tout le monde. Le vaisseau c'est un petit peu bizarre, hein. Faut attraper la lanette des gaz, faut diriger une manche avec l'autre joystick. Mais une fois qu'on s'y fait, franchement, c'est 10 fois mieux qu'à la manette. Ah ouais? Franchement, ouais. Quand tu t'y seras fait, enfin vraiment, c'est très très bon. Non, le jeu il est plutôt pas mal du coup. D'accord. Enfin, et toi Steph, ouais. Tu l'as donc toi sur PSVR, parce que t'es pas un bourgeois comme Spanx. Et du coup, qu'est-ce que t'en as pensé en fait? Qu'est-ce qui t'a... Bon, moi j'ai la PS4 Pro, donc voilà. La première fois que je l'ai mis, bon, c'est très flou. C'était très flou, c'était aliasé à bloc, donc c'était pas très beau. Par contre, au niveau cockpit et tout ça, c'était vraiment super, on est dedans quoi. Mais bon, là j'ai l'impression, je l'ai relancé quand même, j'ai fait quelques heures, et j'ai l'impression que c'est un petit peu plus joli depuis que ça a été patché plusieurs fois. Bon, peut-être qu'il a amélioré, ou alors c'est moi qui me fais une idée peut-être, voilà. Mais j'ai l'impression aussi, parce que moi je l'ai aussi sur PS4, mais la vieille PS4. Ouais. La première fois que je l'ai lancé, franchement c'est Myopie Simulator. Ah ouais, c'était tellement, c'est vraiment dégueulasse, hein, j'ai vraiment trouvé. Après bon, l'immersion aidant, tu t'y fais quand même au fur et à mesure. mais waouh, enfin voilà, bon bref, c'est No Man's Sky, hein, c'est pas non plus oui, voilà, c'est pas le petit jeu quoi, tu vois loin, tu flou mais loin, ouais. C'est quand même un jeu qui est vraiment immense, tu t'y fais. Et comme toi, j'ai eu l'impression aussi qu'au fur et à mesure des derniers patchs, parce qu'il est quand même souvent patché. Ah oui, et là, le dernier, c'est 2 gigas. Le patch fait 2 gigas. Et bon, c'est pour ça, je me suis dit que peut-être ils avaient modifié quelque chose, ils avaient amélioré, quoi. Peut-être qu'ils l'ont... Bon, après, j'ai pas de ralentissement, donc j'ai eu aucun plantage, rien de grave, quoi, en fait. À part une fois, mais bon, c'était rien quand j'ai relancé le jeu et c'est reparti. Donc après, le jeu est plutôt bien terminé. C'est vrai que faut le rappeler, c'est que le jeu vient de très très loin, quoi. Enfin, à sa sortie, c'était un petit peu le jeu sur internet qu'il était de bon ton de pilonner tant que tu pouvais, voilà. Au niveau des raison, au niveau des FPS et tout ça, c'était horrible, quoi. Ça avançait pas, ouais. C'était Ouais. Et là, j'avais des doutes moi sur la VR, hein, du coup. Et puis bon, finalement, je suis agréablement surpris, quoi. Et c'est vrai que le moteur a été amélioré en fait au fur et à mesure depuis sa sortie PS4. En fait, on peut dire que c'était un early access, quoi, une alpha quasiment. À la sortie du jeu, il était sorti un petit peu à la va-vite. C'est les dérapages de la com. Oui, aussi. Pour moi, ce jeu, quoi. Ouais, ils ont complètement perdu. Ils ont fait une sortie de piste. Ils s'en sont mordus les doigts, mais par contre, ils n'ont pas lâché prise, ils ont continué à travailler, à développer le jeu, et puis, de toute façon, il cartonne le jeu, hein. Il y a pas mal de joueurs dessus. Et je parle pas de la version VR, hein, je parle que de la version plate, avant le 14 août, et on sent bien qu'il y a une réelle communauté qui est derrière le jeu. Après, il y a eu pas mal de promos aussi qui ont été faites, mais c'est vrai que quand tu regardes les tops de vente sur Steam ou sur d'autres sites de vente en ligne, enfin, No Man's Sky, il est très très bien placé encore, hein. Là, surtout depuis la mise à jour, hein, ça, il a été numéro 1 sur Steam dès qu'il est sorti. Il y a eu beaucoup de promos aussi. La première semaine, ça a été lui, même la semaine après, il me semble. Ouais. Si je dis pas de conneries. Pour un jeu qui a 3 ans. Voilà quoi. Après, je tiens à rebondir sur ce que disait Steph tout à l'heure, c'est que il n'y a pas de ralentissement sur la version PS4, et ça aussi, il faut bien se le rentrer dans le crâne, c'est que. Il passe pas les tests de Sony sinon. Enfin, le moindre ralentissement, le jeu il doit tourner à 60 fps. Et forcément, il y a des grosses concessions qui sont faites pour que le jeu il tourne très très bien. Et ça faut pas l'oublier. Enfin, parce que c'est pour ça que sur PC on peut se permettre des plus jolis graphismes. Parce que si t'es pas sensible, tu peux te permettre des ralentissements. Comme moi, je suis pas très sensible. Je préfère jouer avec des graphismes qui sont plus élevés. Je suis pas difficile, même s'il y a un ou deux ralentissements, je m'y ferai. Il y en a de temps en temps, mais et voilà. La version PS4, quand tu mets le casque sur la tête, tu sais que ça tourne à 60 fps, il n'y a pas de chute. C'est du constant, c'est Sony qui veut ça et c'est comme ça. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est vrai, et du coup, toi sur PC, t'as pas eu de ralentissement, enfin pas de ralentissement, mais sur PC, ton jeu est plutôt fin, ou toi t'as passé la version PSVR, donc t'as pas vraiment de comparaison. Je le trouve plutôt fin. Il y a pas mal d'aliasing sur quelques endroits sombres ou à des moments, enfin sur certaines constructions, mais à côté de ça, enfin franchement, il est pas dégueulasse le jeu. Il est pas dégueulasse, mais par contre voilà, comme j'ai dit, moi j'accepte les ralentissements que j'ai peut-être des chutes de FPS. Je les accepte, j'arrive à m'y faire. À part en multi quand ça va trop loin, quoi. Des fois, je jouais avec un pote la dernière fois sur le même serveur, on pouvait pas jouer. Même lui qui joue en plat avait des chutes de FPS, donc c'est bizarre. Il y a encore des petits soucis, Après, on joue tous les deux sur la version expérimentale. Donc sur Steam, en fait, on a les mises à jour en avance. Ah, les bêtas, non ? Dès qu'il y a une mise à jour, voilà, tout à fait. Dès qu'il y a une mise à jour, nous on les a direct. Moi je teste. Après, il y a des trucs qui vont mieux tourner, il y a des trucs qui tourneront peut-être moins bien, mais. Est-ce que tu crois que toi, sur PC, là, ces chutes, elles sont dues à. Mais au fait que ça soit du. Par rapport au serveur ou autre, vu l'attrait phénoménal qu'a le jeu en ce moment. Les chutes que j'ai en multi, parce qu'elles sont énormes. Enfin, c'est vraiment. Des fois, ça lag au point de. Enfin, t'as envie de vomir. Si tu supportes pas la VR, là, tu vas pas supporter les. Les 30 secondes ou une minute que tu vas passer dans le casque où ça va tout saccader dans tous les sens. Ah ouais, quand même. Ouais, mais ça arrive la plupart du temps, en fait, ça arrive pendant les 30 secondes. quand tu arrives sur la planète ou quand tu rejoins ton pote, et puis après ça va, ça reste assez fluide. Il y a quelques petites baisses, mais ça reste fluide. C'est des phases de, enfin, quand tu rentres, des phases de transition en fait. Quand tu fais, voilà, ouais, voilà. D'accord. Ça sent que c'est lourd, mais ouais, c'est le serveur, mais c'est tout. Le serveur, enfin, je pense que la connexion joue aussi sur, sur le fait que tu tires déjà sur ta carte graphique en jouant en VR avec des trucs corrects, enfin, avec des textures correctes. Mmh. Tu tires déjà ton PC, il chauffe. Hein. Mmh. Donc, je pense que la connexion qui tire à côté, à mon avis, là, voilà, ça doit aller trop loin. Là. Mais il faut savoir accepter ça voilà, pour profiter du jeu à côté, parce que bon, je passe plus d'heures à en profiter que d'heures à en galérer. Ah bah heureusement, ouais. Il faut accepter ça, sur un jeu de cette envergure surtout, en 2019, on n'a pas des gros gros jeux. Celui-là, tu sais que tu as des centaines d'heures peut-être derrière. Ah, facile, quoi. Hein. C'est facile. Moi, je sais que je suis à, je dois être à 70 heures presque de jeu. Mais j'en vois pas le bout. J'ai l'impression que je suis au début. J'ai l'impression que je suis au début du jeu. C'est même un jeu Samsung. Enfin voilà. Donc 70 heures déjà, t'es dessus, John. Ouais. Mais t'es sûr que tu vas. 40 heures en VR, je suis accro. Mais tu joues quand t'es au boulot là, c'est pas possible. Ah bon ? Mais même pas. Mais même pas. Je vais jusqu'à gratter sur mes heures de sommeil pour y jouer. T'es accro là. Au moins, ça veut dire que le jeu te plaît de toute façon. Ah oui, pour franchement, cet été, la chaleur, je l'ai pas trop supporté. Chez moi, il fait très très chaud. C'est mal isolé. Et jouer en VR, c'était chaud. Mais depuis qu'à No Man's Sky, il a fait 33, 34. un jour. C'est trop une petite planète de glace, tranquille. voilà. Quand t'étais bien. J'étais quand même sous le casque parce que fallait que je joue. Même je transpirais, c'était pas grave. Il fallait que. Fallait que j'aille farmer. Ouais, pour l'immersion, c'est pas mal en plus parce que t'arrives souvent dans des conditions très très hostiles. Et du coup, la chaleur en fait partie. Je pense que t'es bien immergé dedans, tu vois, sous ton casque. Oui, quand tu vois marqué 53 degrés, tu te dis, normal. Tempête de feu, 53 degrés, c'est normal. C'est bien la température ressentie, c'est ça. Je supporte bien. C'est ça. Non. Ok. Il y a une bonne immersion et voilà, le jeu il est très prenant. Ouais, c'est une bonne venue pour la VR, quel que soit le support. Ah, une très très bonne venue. Ouais. Je pense que c'est un jeu qui a beaucoup plus de pensée potentielle qu'un Skyrim ou qu'un Borderlands. Déjà, juste pour le multijoueur. Oui, c'est vrai. Ah, tu crois ? C'est pas le même genre non plus. Enfin, tu compares un petit peu. C'est pas le même genre. Pour Borderlands, c'est pas très comparable. Pour un jeu comme Skyrim, Il y a rien de comparable, quoi. Je pense. Parce que, déjà. Puis bon, tu prends ton vaisseau, tu décolles, tu sors du système, tu fais, je sais pas, c'est infini. Comparer avec un autre jeu par rapport à par exemple un The Forest aussi que j'ai fait en VR sur PC, c'est pareil. Ouais. Comme tu dis, j'arrive même pas à le comparer à The Forest, tellement c'est pire. Ouais. Quoi. Tu peux aller plus loin, t'as tout le temps un truc à faire, c'est énorme, ouais, parce qu'il a un contenu de fou, enfin faut pas l'oublier. Parce qu'on peut le rappeler, No Man's Sky, en gros, c'est un jeu d'exploration, évidemment, de farming, de craft. Tu peux faire maintenant tes propres bases, etc. Tu dois un petit peu avancer de planète en planète, mais ça reste un jeu potentiellement. Tu vas te lasser même avant de le terminer, en fait, ce jeu-là. Ouais, c'est un petit peu justement comme The Forest, Subnautica, dont on a déjà parlé aussi en podcast. Tous ces jeux-là, en fait, qui n'ont pas de fin, quoi. Ah ouais, voilà. A-t-il une fin ? A priori, oui, il aurait une fin, mais. Voilà, après, moi, c'est le genre de jeu dont j'ai rêvé, quoi. Parce que c'est cette liberté-là, quoi. Moi, je rêve d'un Star Wars comme ça, quoi. Un Star Wars, un Mass Effect, comme je disais sur. Quand on a discuté l'autre jour. Pour moi, c'est un rêve. Hein. Après, ça, c'est quelque chose. Je sais pas si ça arrivera un jour avec qui est. Mais en tout cas, le jour où ils font ça, je fonce, moi. Moi, la venue de No Man's Sky en VR, et notamment sur PSVR, ça me replonge avec l'épisode Elite Dangerous, qui a été porté sur PS4 en version plate, en VR sur PC. Ouais. Et là maintenant, on peut se poser la question de savoir si un jour, notamment, alors, ça avait été définitivement enterré pour la version PS4, mais avec la future console qui arrivera, est-ce qu'on aura un jeu du même acabit sur en VR, quoi, sur console, quoi, voilà. Ouais, peut-être qu'ils s'y mettront, hein, parce que bon, quand ils vont voir, enfin, parce que il marche ce jeu, No Man's Sky marche, quoi. C'est obligé, hein. Ça se voit. On le voit sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup de. Je suis sur un groupe No Man's Sky France, je crois, et ça parle beaucoup. Et que ce soit sur PSVR ou sur PC, il y a une grosse communauté. Hein. Moi, je pense que les autres développeurs vont le voir, ça, en fait. Après, ce qu'ils vont se lancer dedans. En ce moment, il a une grosse communauté. Je sais pas si vous avez vu ce qu'ils ont fait. Il y a un fan qui a récolté des fonds pour le mettre sur un panneau publicitaire aux États-Unis. Là. C'est magnifique de faire ça. Enfin, je veux dire, le gars, il est tombé. C'est tombé pile dans la période où vous venez de sortir la mise à jour. Et ils étaient à fond dedans, en fait, tous les jours et tout. Et quand ils ont vu le panneau, bah, ça leur a fait grave plaisir, quoi. Parce qu'ils étaient à fond dans le. Enfin, c'est. Bah, mais bon, moi, Hello Games, c'est magnifique que des fans fassent ça. Parce que. Surtout après ce qui s'est passé il y a 3 ans. Ils ont rien lâché. Tu as parlé tout à l'heure. Non, bah voilà. C'est un studio qui en veut. Moi je pense qu'ils vont faire des bonnes ventes, je l'espère bien en tout cas. Ouais, et puis alors, mérite, pour la version PlayStation VR, la Sony a eu la richissime idée de le lancer le jour de la mise à jour VR, de faire une promo dessus à moins 50%. C'est, là aussi, c'est de bonne aloi, c'est de sur travailler. PC aussi, hein. Sur PC aussi, bah, tu vois, c'est super. Il y a vraiment une réflexion dans la profondeur, dans la durée. Il n'y a rien de tel pour propulser un jeu sur le devant du marché, quoi. Moi, je trouvais ça bien, bien joué, bien pensé, quoi. Et c'est payant. Ouais, c'est une bonne idée. Finalement. Ouais. Du coup. C'est payant, ouais, c'est ça. Par contre, t'as essayé, Cyril, du coup, et t'as eu. Quelques aventures. Mon expérience est très courte parce que d'une, j'ai pas eu trop le temps de m'y essayer, mais par contre, quand j'ai trouvé le temps nécessaire de plancher dessus, et bien, tout simplement, c'est catastrophique à mon niveau, donc je perds pas espoir. C'est-à-dire que j'ai lancé le jeu avec mon PlayStation VR et j'ai une constellation de clusters sur les lentilles, donc j'ai eu cru que c'était peur que ce soit mon casque qui me lâche, et non, c'est que sur le No Man's Sky. Donc pour l'instant, ma jouabilité, elle est catastrophique, parce que bon, tu vois sur l'écran, il y a des clusters de partout, c'est comme si j'avais des mini-écrans dans l'écran même, enfin bon, c'est très bizarre. Ouais. C'est très bizarre, c'est injouable, ça a frisé, enfin bon, bref. J'attends à tête reposée, d'avoir le temps de vraiment peaufiner tout ce qui est réglage, rentrer dans les bases de la PS4 pour chercher la solution. Mais c'est vrai que mon expérience pour l'instant, elle est néante. Voilà. Bidouiller un petit peu parce que quand on avait discuté avec Marc de Darkness Roller Coaster, j'avais discuté un petit peu avec lui, il m'avait dit que les jeux ne réagissaient pas de la même façon selon le modèle de la console. C'est-à-dire que tu peux avoir une PS4 avec deux PS4 avec deux types de modèles différents, une PS4 Pro, deux PS4 Pro avec deux types de modèles différents, les jeux ne vont pas réagir de la même façon. Donc j'espère qu'il y aura un patch justement correctif pour toi, ou j'espère que c'est juste une question de réglage, mais... Oui, mais je vais bidouiller, je vais regarder dans mon coin là, à tête reposée quand j'aurai le temps, et puis je perds pas espoir ni patience, donc... Ouais, non, parce qu'en plus, le style de jeu qui me correspond bien, j'aime bien tout ce qui est exploration spatiale ou aérienne, donc non, moi ça me fait penser à Mass Effect, enfin plein de choses comme ça, donc je vais bien accrocher à ce jeu-là, et je suis content qu'il y ait une réelle communauté qui soit derrière, qui le pousse, qui le mette de l'avant, et ça fait du bien à la VR, donc donc voilà, comme on peut dire, certains se plaindront d'un flou... plus prononcé sur certaines consoles que d'autres, quoi, mais là on a vraiment un must-have à la française, ouais, must-have. Must-have. Voilà, must-have, voilà. Il faut pas cracher dessus, loin de là, quoi. Au contraire, faut prendre le côté positif qui est énorme. On n'attendait pas un jeu comme ça sur je parle là pour la version PlayStation VR. Eh bien maintenant on l'a, et on peut pas dire qu'on n'ait pas de bons jeux, et des jeux qui tiennent la route dans la durée notamment. Donc voilà, là on en a un, il faut en profiter. Ah oui. Après, nous aussi on est quand même vraiment des optimistes de la VR, donc forcément on essaye pas de trouver des circonstances atténuantes à certaines carences techniques, mais Ouais, faut rester objectif, quoi. Voilà. Ouais, après, quand c'est pas bon, c'est pas bon, on le dit. Hein, mais voilà, on peut pas non plus reprocher aux gens de le trouver flou, parce que oui, il est flou, de toute façon, voilà, il a des défauts. Voilà, ouais, maintenant on attend la PS5. Il est pas parfait, mais niveau maniabilité et tout, c'est sympa. Ouais, déjà, c'est vrai, tu fais bien le vaisseau, c'est énorme, hein, moi, c'est quelque chose qui me. Ça me prend les tripes, hein, je me régale. Hein. C'est vraiment. Et t'aimes bien justement les commandes du vaisseau ? Un vaisseau, oui, je me régale, ouais. Ouais, vraiment. Avec les moves, hein, tu joues. Ah oui, très bien, ouais. Ouais, ouais, j'y arrive pas. Ah, j'ai... En fait, mais c'est génial, j'ai les moves qui sont posés sur les genoux, donc j'ai les moves, ils se baladent pas partout. Donc, pareil, voilà. C'est ça le truc alors. Je te jure, pareil, en fait, ouais. Tu poses, t'as l'impression d'avoir un hautas dans les mains, ouais, et ça te donne des sensations, ouais. Vraiment. Moi, j'étais étonné, hein, j'ai regardé, le hautas n'est pas compatible avec No Man's Sky, mais je voulais le passer, voilà, du hautas à mes contrôleurs, machin, mais finalement, franchement, maintenant, je kiffe tellement, puis t'as rien à changer, ouais. T'as tes contrôleurs dans les mains, ça marche super bien, une fois que tu les poses sur les bouts des genoux, voilà. Ouais, ouais. Tu as vraiment comme si tu avais ton manche que tu dirigeais. Une fois que tu as pris le coup de main, c'est génial. Ouais, moi, je pense qu'ils ont calculé ça quand ils ont développé. Je pense qu'ils ont dû se dire faut pas que les gens ils puissent bouger le move à droite et à gauche, perdre la manette des gaz, peu importe quoi. Voilà. Ouais, pas y garder en l'air, ouais. Surtout parce que tu n'as aucun contrôle. Ouais, ouais, c'est ça. Sûr, ouais, c'est ça. De toute façon, il a été repensé pour la VR. Hein. Faut pas l'oublier. Oui, on voit bien qu'il y a des choses. En termes de menu aussi. En termes de menu, il est très très mal. Ouais, elle est plutôt bien pensée. Non, c'est immersif. Ça, ça reste assez fouillis au niveau des menus, mais ça, c'est inhérent au jeu lui-même, parce que voilà, il est assez compliqué à ce niveau-là. Mm. Mais je trouve que justement, le fait avec tes moves, justement, tu les bouges comme ça pour avoir ta main côté paume, justement, de l'autre côté. Et après, tu vas avec ton autre main tapoter tes boutons, et franchement, ça marche vraiment bien. Ouais, ça marche bien. C'est bien pensé. Ouais, je trouve aussi. C'est plutôt bien pensé. Mm. Bon, après, il y a des bugs, hein, des fois. Par exemple, tu vas utiliser ta raffinerie, la petite raffinerie, t'es derrière une feuille, bah t'as la feuille, elle va s'afficher sur ton menu. Enfin, voilà, des petits bugs comme ça. Avec tout ce qu'il y a, t'as des bugs de temps en temps, mais c'est pas grave, tu sors, tu te replaces. Faut savoir accepter ça aussi. Ouais. Enfin, avec tout le travail qu'ils ont fait, moi je l'accepte. En c'est plus des problèmes d'ergonomie en fait que de bugs en fait, j'ai l'impression. Ouais, mais après, dans tous les jeux, regarde, Seeking Dawn. Je sors le jeu, tu mets No Man's Sky en face, tu l'enterres. Enfin, c'est même pas la peine, tu l'enterres dans tous les sens. Le jeu, enfin, t'as même plus envie d'en entendre parler, tellement le contenu. Enfin, c'est un peu pareil quand tu réfléchis. Sauf Seeking Dawn, c'est 100 fois, 1000 fois moins de contenu que No Man's Sky. Enfin, ouais, c'est vraiment. Sûr. Ouais, c'est sûr. Mm-hmm. Et voilà, quand t'as essayé en VR Seeking Dawn, et que t'as essayé No Man's Sky, tu l'oublies Seeking Dawn direct. Encore un jeu qui était prévu sur plusieurs supports VR, donc le PSVR, et voilà, on met toujours en avant la faiblesse de la puissance de la PlayStation 4, mais au moins eux et Hello Games ils l'ont fait, quoi, ils ont réussi à porter leur jeu sur avec du multi aussi, faut pas l'oublier, donc là il y a du boulot, quoi, donc on peut pas cracher dessus, quoi. Presque qu'ils ont réussi avec brio, parce que ils sont arrivés quand même à un niveau. J'ai pas vu d'autres jeux comme ça, moi. Ouais, surtout pour une petite équipe. Je sais pas combien ils sont exactement, mais ils sont pas nombreux. Ils sont pas beaucoup. Enfin, ils sont pas nombreux. C'est Non, mais c'est le jeu d'une vie, je pense. Ouais. Ouais, bon, je vais pousser peut-être la réflexion un peu loin, mais ça fait quand même depuis 3 ans qu'ils vont contre vents et marées et qu'ils travaillent d'arrache-pied, quoi, et qui au final. Après s'être fait foudroyer, lyncher, ils ont quand même réussi à garder un embryon communautaire. Et on voit que l'embryon est devenu œuf, et là il est à l'état de poussin, il va devenir poulet ou autre, je sais pas. Oh, tu me fais rêver là. Gros poulet de chez KFC là, je te le dis. En tous les cas, il grossit. Poulet de la VR. Ouais. Si seulement il pouvait faire des émules chez les autres studios et éditeurs, ça serait d'autant mieux. On fait une pétition pour Mass Effect. Allez. Si seulement. Entre Electronic Arts qui est pas chaud pour la VR, et puis le fait qu'ils ont été quand même bien refroidis par Andromeda. Malheureusement, ça sent pas bon cette histoire. C'est dommage parce que quand ils ont fait Star Wars Rogue, je me souviens plus. la mission Battlefront. Ouais. Allez, rame, rame. Ouais, je rame là. Ouais. Là, c'est l'heure pour moi alors. Mais non, c'était une super. Moi, j'aurais retenté quoi. Ils ont pas retenté sur Battlefront 2. C'est clair. Bah ça, on le dit depuis le début qu'on fait l'émission. Hein, c'est un jeu complet comme cette expérience-là. Tu signes direct. Hein. Ah ouais, mais ça va venir. J'ai bon espoir qu'avec la nouvelle génération, il y ait de nombreuses portes qui s'ouvrent, quoi. Qui avaient été entrouvertes lors du lancement du casque par des mini-expériences. Ouais. Et j'espère que maintenant, ils vont prendre conscience qu'il y a la VR, c'est pas juste un marché de niche. Ça va devenir bien plus que ça. Quoi. Mais c'est pareil pour la PS5. La PS5, elle va attirer. Il y a plein de jeux qui sont sortis sur PC qui sont pas sortis sur PS4. Faut pas oublier que c'est les limites de la PS4 qui ont bloqué. Je vais parler par exemple de Project Cars 2, où les développeurs ont sorti leur jeu, mais alors natif en VR sur PC tout de suite. Ils voulaient le faire sur PSVR, mais pour eux ça allait pas. C'était pas. Ils ont pas réussi à le sortir, mais ils voulaient le faire. Enfin, mais comme pour Elite Dangerous, ils ont bien communiqué dessus. Exactement la même chose. C'était la même période, hein, remarque. Hein. C'est. Et c'est des jeux, mais les développeurs, ils vont pas se gêner dans un an et demi, deux ans. Ils vont pas se gêner. Hein. Ils sont peut-être même déjà dessus. Hein. Enfin, faut pas se leurrer. Bah, si, c'est ils ont annoncé que le PSVR serait compatible sur la PS5. C'est ça. Les développeurs, ils ont. C'est bon. Ouais, c'est bon. Ils savent pas qu'il y a des philanthropes. Parc, hein, donc. Ils sentent qu'il y a un marché. Il y a un stand qui est déjà conséquent, donc ils vont faire feu, hein, ils vont foncer. Moi, je pense que des jeux comme The Forest, Subnautica, on en a parlé tout à l'heure, ces jeux-là par exemple, pourraient sortir largement sur PS5. Et je pense que s'ils sont pas sortis sur PS4, c'est juste la limite de la console. Le problème aussi, c'est surtout ce problème de PS4 et PS4 Pro. Voilà. Il y a ça aussi. Mais regarde, No Man's Sky, ce qui est bien, c'est que No Man's Sky, ils ont sorti un jeu flou, mais ils ont eu les couilles de le sortir. Ouais. Le jeu, il est prêt, ils le sortent. Ouais. Et sur PS5, le jeu, il va être trop bien. Ouais. Enfin, si ça marche comme ils l'ont dit, normalement, le jeu sera optimisé directement sur PS5. Donc, il a déchiré. Ouais, et puis, d'ici là, il y aura encore eu des mises à jour, des perfectionnements. Mais donc, ouais, ça devrait être léché, ça devrait être très propre. Quoi. Donc eux ils sont en train de se placer, enfin ils sont placés, voilà. Tandis qu'il y en a qui attendent, ils attendent trop peut-être. Qui restent sur le bord de la route, mais vont peut-être y rester, ça le problème. Ça sera trop tard. Ouais. C'est sûr. Après il y en a qui sont plantés hein, sur PS4, des jeux qui sont mieux sur PC, et ils sont plantés sur PS4 parce que c'était pas assez. Il y a Rodata, il y en a plusieurs des jeux comme ça. Le jeu par les créateurs de Myst, comment il s'appelle ça? Abduction, voilà un autre exemple qui est super bien sur PC. Bien, et apparemment, sur PS4, c'est une catastrophe. Enfin, sur PSVR, donc tous ces jeux-là ils brilleront sur la PS5. Ouais, j'espère. Ouais, faut l'espérer. Ouais. On croise les doigts. On pense à toi, John, quand on pensera à toi lors de la sortie de la PS5. Tu seras le premier à l'avoir. Voilà. mais moi, les gars, je serai loin avec mon Oculus. Très, très loin. Il continue à se la péter. Ouais, bah, tu sais que ta config, elle a déjà 2 ans. Je peux pas dire. Hein. Ah ouais. C'est vieux, ça, vous. En matos informatique, ouais, c'est un peu cool. Ah oui. Ouais, j'ai un processeur qui est quand même assez. On ressort le processeur. Ouais, mais le plus gros que le tien. Parce que t'es avec ton petit processeur, tu vas pas aller trop loin. Ouais, encore un concours de gros bras, super. C'est un concours d'autre chose, j'aurais dit. Bon, mais bon, je pas. Ouais, quand on a que ça, tu sais, bon, on va faire avec. Bon, très bien. Bon, bah, c'était tout du coup pour No Man's Sky. On a déjà bien fait le tour. On est moi content. J'ai encore des choses à dire hein, sur No Man's Sky. Ouais. On peut en parler toute la soirée hein, si vous voulez. Ah non, on n'a pas parlé du. On en parlait tout à l'heure en briefant. Les contrôles, justement, qui étaient. Enfin, moi et Spank, on trouvait plutôt bien adaptés pour les constructions. Et il semblerait, Steph, que toi t'as un peu plus de mal. Moi j'ai du mal, ouais. J'ai du mal. Pour construire, je préfère revenir sur le plat. Je trouve que c'est plus pratique. Hein. Et après, bon, je reviens en VR. Et j'ai vraiment du mal. Penser à un truc qui a un petit peu rien à voir, mais on peut renommer les bases, on peut renommer pas mal de trucs en VR, on peut pas le faire. justement, et on peut le faire que en passant en version plate, mm-hmm. et ça, ça fait chier ça. Il y a autre chose, vraiment, ça me fait chier. J'arrive pas à faire. Alors, je sais pas si ça y est uniquement en place, c'est le avec la visière. Quand on scanne les plantes et tout ça, je n'y arrive pas. Ouais. J'appuie sur tous les boutons. C'est très dur, il y a des bugs. Moi aussi, il y a des bugs. C'est très dur de viser certains trucs, ouais. On n'y arrive pas à les atteindre. Ça marche super bien chez moi. Moi, il y a des plantes devant, par exemple, bah, ça va. Je vise un dépôt de cuivre, je peux pas le marquer. Ça, je vais mettre 5 minutes à le marquer parce qu'il faut que je me déplace dans tous les sens. Ouais, t'es bourré. S'il y a un bug. Ouais, ça faut pas jouer sous. Même pas. Ah, mais même pas. Même pas, les gars. Ah, ça marche super bien chez moi, ça, par contre. Et même d'ailleurs, j'ai remarqué que c'était beaucoup plus simple que la version Vanilla, la toute première version de No Man's Sky, où c'était plus galère justement pour scanner. Et ça a été vachement amélioré, ça. Justement. Donc, ouais, voilà. Ouais, il y a aussi une amélioration au niveau de ce que tu peux prendre dans ton inventaire. C'est qu'avant, tu étais limité à très peu de ressources par case, en fait. Et maintenant, ils ont grave augmenté. C'est à 10 000 avant, c'était. Et heureusement. Je me rappelle plus, mais c'était à 250, je crois. C'était horrible. Je sais pas si vous imaginez le fossé. C'était mais ça change la vie et là c'est vraiment plus agréable. C'était vraiment la galère ça. Parce que 250, enfin voilà, c'est que tu prends plein de cases, tu es en 2 secondes. Mais là 10 000, le facteur il est quand même énorme. Là au moins t'arrives vraiment en gros pillard de la planète, tu t'en fous plein les poches, tu t'en fous, il n'y a plus rien qui repousse derrière toi, mais t'es sûr. Quoi. C'est très bien, quoi. C'est plus réaliste. Bah, ça, Captain Écolo, quoi. T'as aussi des remises en question dans ce jeu. Des fois, t'es en train de prendre toutes les ressources, tu te dis, mais merde, je suis en train de niquer la planète. comment on fait là? Comme on est en train de défoncer la Terre et ça fait chier. C'est ça. Non, mais c'est vrai. En plus, tu terraformes, tu fais des gros trous, tu t'en fous. Puis, ouais. T'es content, t'es bien, tu sautes. Et le côté coop, là, comment vous avez pu le tester un petit peu, toi Spank, tu l'as fait avec ton ami, là, mais est-ce que vous avez réussi à jouer en coop sur PSVR ou des choses comme ça, quoi, cette approche là moi, avec la connexion, c'est un peu un problème en ce moment, donc ouais, d'accord. Ouais. Moi, j'ai pas d'amis, donc donc j'ai joué tout seul. Moi, j'ai joué enfin sur PC, mais après la coop, c'est enfin sur No Man's Sky, t'as des missions dans le Nexus, mais t'as pas grand chose. Tu peux faire une base à plusieurs, par contre, tu peux faire une ville, un truc comme ça. Mais je trouve qu'il n'y a pas encore assez d'interactions à plusieurs à part faire. Ouais, je crois que tu peux pas tout faire en fait. C'est pas. Des bases, ouais, t'as des quelques missions du Nexus. Mais sinon, moi je joue avec mon pote, on joue sur le même serveur, on se croise. Mm-hmm. Mais on fait un peu notre délire de chacun de notre côté, la plupart du temps. Mm. La plupart du temps, c'est ça. De temps en temps, on va explorer, on part tous les deux, on prend grave. Pour faire des hypersauts là, et puis on part super loin dans des galaxies là on fait de l'exploration, donc c'est assez marrant parce qu'on peut suivre à peu près, mais sinon à part ça, bon, la coop Ouais, après c'est des trucs qui vont améliorer ou qui vont certainement rajouter du contenu pour je pense déjà tu peux maintenant jusqu'à 32 joueurs, oui, donc ça c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Après c'est rare de croiser des joueurs, mais nous l'autre jour sur une planète, on a un gars, il a construit une base en face de nous, sous-marine et tout. D'accord. C'était la première fois. Sinon, tu les croises que dans le Nexus, les gens. La plupart du temps, tout le temps dans le Nexus, tu croises des gens, mais bon. Ouais, d'accord. T'interagis pas trop avec eux, quoi. Ok, bon, c'est pour savoir. Bon, en tous les cas, ça me donne fortement envie d'y jouer, donc il va falloir que je solutionne mes problèmes rapido. Ouais. Ouais. Mais ouais, il faut prévoir des heures et des heures devant soi, ouais, pour ce jeu, pour vraiment avancer, parce que. Ouais. Beaucoup. Bah au moins on peut pas se plaindre d'avoir un jeu qui a de la durée, quoi. Voilà. Ah c'est ça, ouais. Ça, c'est sûr. Niveau durée de vie. Ça c'est sûr. Donc voilà, nous on est très optimiste avec ce No Man's Sky. Bah, c'est pour ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est la kill rap de la VR pour le moment ou ouais, de l'année? Oh, faut arrêter avec ce terme de la VR depuis le début. Ouais, oui, tu mais crois franchement que c'est un jeu qui est sorti il y a 3 ans qui va faire vendre des PSVR, parce que c'est moi, ça. Moi, je pense sincèrement que oui, dans la communauté du jeu, il y en a plein qui vont prendre le casque juste pour y jouer. Ceux qui l'ont déjà bien poncé, et ceux, voilà, comme tu dis, qui viennent de la communauté, mais et qui sont vraiment à fond. J'en vois sur Internet, ils ont joué plus de 1000 heures, ils ont encore envie d'y jouer au jeu. Donc, ils jouent encore. Ils sont accros, quoi. Remarque, toi, Say, t'avais bien joué à Skyrim déjà. Oui. Ouais. Est-ce que il y a bien des consommateurs qui ont pris le jeu et le casque justement pour y jouer en VR, quoi? Ah, j'imagine, oui, j'imagine, ouais. Mais je sais pas, moi dès qu'on a un jeu qui est un peu bon, parce que là c'est le cas effectivement, on a tendance toujours à se demander si c'est la killer app. Un jeu peut être bon sans devoir forcément faire vendre des casques. Je pense que c'est plutôt un jeu qui s'adresse soit à des gens qui connaissent déjà le jeu. Je suis pas certain que quelqu'un qui s'intéresse pas à la VR, qui s'intéresse vraiment pas à la VR, achètera un casque uniquement pour ce jeu-là. Je pense pas. C'est pas. Moi, je pense que si. Parce que c'est justement, en plus, c'est pas un jeu exclusif VR. Enfin, c'est mon avis après. Ouais, ouais. Non, mais... Moi, je pense que c'est le genre de jeu qui peut attirer beaucoup de consommateurs. Un jeu qui peut se jouer autant en 2D qu'en VR. Et quand t'en as marre du VR, ça serait bien que tous les jeux soient comme ça. Quand t'en as marre du VR, tu passes en 2D. Tu peux switcher rapido. Voilà, ça, exactement. Bien. Je trouve ça super bien, les jeux comme ça. C'est comme The Forest. J'y ai joué autant en 2D qu'en VR, quoi. Ou même Subnautica. C'est vrai. Ça, c'est ton jeu. Ça, c'est... On a fait chaque fois. Ouais. Bah, j'en parle beaucoup, mais finalement, j'y ai moins joué que que No Man's Sky. Donc, non, mais c'est vrai. En plus, j'ai joué moins. En heure, j'ai moins joué. Pourtant, je l'adorais. Hein. Tu m'as montré tes bases de barjo sous-marine. Là, t'en avais deux. Des trucs immenses. On aurait dit des villes. Mais quoi. Il faut savoir qu'on peut faire la même chose sur No Man's Sky. C'est ça le pire. Ah ouais, c'est ça. C'est que maintenant, on peut faire nos bases sous-marines. Il y a tellement à faire. Bon, mais vivement les vacances, ça va, vite. Et que ça fonctionne. C'est ça. Bon, No Man's Sky, en tout cas, super jeu. On vous le conseille, foncez. Killer rap de la VR. Ouais, killer rap. Ouais, killer rap, bublime. Non, mais voilà, en tout cas, sachez que ça reste quand même flou. Il a des petits défauts, mais ça reste quand même un putain de gros jeu. Et que ça serait quand même dommage de passer à côté sans se forcer un petit peu, justement, à cause des carences techniques. On aime le style quand même, il faut aimer le style parce que c'est un style quand même style. À part. Ouais, si vous voulez des trucs scénarisés, ouais, c'est pas, voilà. Dirigiste, lâchez-le. Tous les explorateurs, moi le premier jeu que j'ai kiffé, c'était Solus Project, vraiment en VR, il m'avait immergé. Ouais, celui-là, il est encore un level au-dessus, j'avais adoré Solus Project. Et c'est pareil, t'es sur une autre planète, tu t'explores, enfin, c'est pas tout à fait le même style de jeu, mais là, le potentiel qu'il y a dans No Man's Sky, c'est. Solus Project puissance 10, quoi. Enfin, ouais. Même si ça manque encore de certains trucs, mais je sais qu'ils le rajouteront avec le temps. Bah là, on peut en être certain, puisque depuis 3 ans, ils suivent leur jeu à fond la caisse. Donc, oui. Là, quand ils commenceront à ajouter plusieurs biomes par planète, des trucs comme ça, enfin, vraiment, là, ça va commencer. Mais je pense qu'ils le lâcheront pas et qu'ils le feront. Je pense sincèrement qu'ils le feront. Que le jeu soit plus diversifié, quoi. Encore. Qu'il l'est maintenant. Si c'est possible. C'est bon, tu peux me laisser enchaîner. Je me dérange pas. Non, ça serait pas l'affaire. On parle de No Man's Sky ce soir parce que No Man's Sky, voilà, c'est la killer app. Allez. Est-ce que t'as réussi à chevaucher des cochons dans No Man's Sky? Ah, pas encore. Pas encore. Ah, pas encore. Ah non, pas encore. Malheureusement. Bientôt. Mais bientôt. Ouais. Dans 120, voilà. Dans 120 heures, normalement, tu devrais y arriver. Voilà, à peu près. Ça marche. Ouais, j'aimerais bien que tu finisses le jeu, en fait, Spanx, tu vois. T'arrives, vu qu'il y a une fin, visiblement, j'aimerais que un jour tu viennes au podcast et tu dises « Les amis, j'ai fini No Man's Sky. » Je sais. Ouais. Il va me falloir 3000 heures. Hein. 3000, je pense. Je sais ce qu'il y a au centre de l'univers. On fera une pétition pour toi, allez. Promis. Bon. Ça marche. Ensuite, les autres jeux auxquels on a joué cet été, en tout cas certains d'entre nous, c'est Everybody's Golf VR. Et donc Steph, tu y as joué parce que moi perso je me le suis procuré il y a pas très longtemps. Ouais, moi non plus. Pareil. Chez Micronyania, il était à 10 balles en promo. Ouais. Je me suis dit. Et t'as pris ma boîte aussi. Et j'ai pris ta boîte, je l'ai toujours pas donné d'ailleurs. Pour toi c'est 20 elle balles. En otage. Pour toi c'est 20 balles, voilà. Ah bah elle est venue de Bretagne, hein, donc le gasoil, le péage. Ah pour Everybody Golf en breton, franchement. À breton avec des vrais morceaux de caramel au beurre salé dedans. Ah, pour toi. Il y a un petit Queen Amman, il est où? C'est un petit Queen Amman dedans. Allez, c'est bon. Donc, du coup, voilà, pas de grosse prise de risque. Et donc, du coup, on a pu le tester. Steph, qu'est-ce que t'en as pensé? Bon, ben, la prise à main est bonne. C'est très simpliste. Hein, on reste sur quelque chose d'assez arcade, on va dire. Y a une option pour regarder le sens du vent, mais j'ai l'impression que c'est assez. C'est un peu aléatoire, quoi, parce que tout dépend de. C'est assez permissif. Ouais, comme gameplay. Ouais. Parce que bon, suivant comment on envoie son move, ben, le sens du vent ne compte pas. Parce que moi, ça m'est arrivé d'envoyer la balle en ayant pris compte du vent et que finalement, la balle n'est pas allée du tout dans le sens où elle aurait dû aller. Quoi. Voilà. Ah, mais c'est peut-être parce que t'es pas bon. Quoi. Y a un peu de ça aussi. Ouais. Et puis ma patience, je ne suis pas patient du tout. Mais. Si ça t'as va bien, pas, t'as, t'as bien mis les dragons, moi. Hein. T'as pas balancé le move sur l'écran ou. Non, non, mais ça, non ouais. Je serais capable, mais non. Mais non, sinon, après, bon, graphiquement, c'est propre, hein. C'est propre. C'est plutôt propre. Ouais. Ouais. C'est propre. Bon, l'environnement. Moi, j'en ai qu'un. Hein. J'ai pas pu encore débloquer les autres. Mmh. Parce qu'après, bon. C'est plus mon fils qui joue que moi, hein, ce jeu-là. Mais. mais. Sinon, bon, celui qu'il y a, c'est le tout premier, et c'est sympa, ça va, c'est propre, il n'y a pas trop d'aliasing, je trouve, voilà. Là, après, je sais pas quoi dire, quoi, de plus. C'est un jeu de golf. Ouais, voilà, c'est un jeu de golf, donc, je l'ai pas acheté pour les graphismes, en fait, je l'ai acheté juste parce que je me suis dit que je pourrais jouer avec mon gamin, des copains, des fois, oui. Et... Non, non, il y a un truc pour voir son classement, mais c'est un classement, pour moi c'est inutile quoi, ouais voilà, il n'y a pas de notion de multijoueur en fait à proprement parler. Voilà. Donc ouais, moi quand j'y ai joué en fait, je me suis fait la réflexion que le PSVR me faisait jouer à des jeux auxquels j'aurais jamais joué sur un écran plat, des jeux ce qu'on disait, des jeux de casu, tu sais, moi je me foutais de la gueule de mes potes qui jouaient sur Kinect à l'époque. Ouais, ou à la Wii, tu vois, gesticuler, à jouer à des jeux de golf, de bowling ou de conneries comme ça. Et puis maintenant, bah, je suis en train de faire exactement la même chose, ouais. En plus avec un casque sur la tronche. Donc, Mais toi, tu le fais pour le caddie, toi tu joues à Everybody's Golf pour le caddie. Et bah non, justement, ça j'allais y revenir, mais j'ai des trucs à dire là-dessus. Hein, parce que. Voilà. Ouais, moi, franchement, j'ai. Ah ouais, non, mais ouais, insupportable. Bah, on va en parler maintenant, tiens. Ouais. En fait, pour moi, c'est un jeu qui est super efficace, qui est vachement permissif, c'est complètement arcade et c'est amusant tout de suite, en fait. T'as plein de trucs à débloquer, t'as une courbe d'apprentissage et de progression qui est vraiment, vraiment cool. Il est plutôt joli, en plus, même sur PS4 classique. Ouais. Et donc, franchement, c'est un bon petit jeu, voilà. Si vous pouvez le taper pas trop cher, c'est un bon jeu sur lequel vous allez vous amuser un petit moment. Toi, tu l'as trouvé à combien, toi? J'ai trouvé à 10 balles. Mm. Ouais, parce que sur le store, il est toujours à 30 balles quand même. Donc, c'est un Micromania, il est à 10 euros, en fait. Ouais. Voilà. C'est ça, 10 euros en boîte. Ouais. C'est national, donc. Et le problème, en fait, c'est que en fait, t'es bien à jouer, t'es bien à taper tes balles, t'es bien sur ton cours, et t'as en fait ton espèce de caddie. Donc ça, c'est la petite nénette en fait qui te suit partout, qui est niaise au possible, qui te donne des conseils, mais un peu atterrant. En plus, t'as quoi, une dizaine de phrases sortent en boucle. Mm. Même quand t'es nul, tu vois, elle te dit « Ah, c'était pas mal, hein. Mais non, c'était de la merde que j'ai faite. » C'est de la pédagogie, il faut toujours rester sur une note positive, c'est normal. Hein. Ouais, bah on va dire ça. Non, je dois être trop négatif pour ça. Et puis le pire, c'est que t'es dans tes parties, donc tu termines un trou, et t'as une cinématique qui se déclenche, où t'es avec ton caddie, et c'est une scène, en fait, qui se passe entre les cours, où t'es tout seul, en fait, sur le banc avec elle, en train de manger des petits gâteaux, comme ça. C'est du flirt, en fait, avec ton caddie, et je trouve ça super malaisant, en fait. Tu prends pas c'est un truc de japonais. Ouais, quoi. Voilà, ouais. C'est ça, j'allais dire. Un peu. Ouais. Dans la version 2D, je me rappelle pas qu'il y avait ça. J'ai joué une. Non. Moi, je l'avais sur PS3 et non, il y avait pas ça. Voilà, et du coup, en fait, ça te coupe un petit peu de ton gameplay. Du coup, ça te coupe un petit peu le rythme, justement, de la progression du jeu. Et en plus. C'est des scènes inutiles en plus de ça. Puis bon, après, c'est très japonais. Hein, c'est... Et c'est même pas à la limite le fait que tu. C'est même pas le fait que tu flirtouilles en fait avec ce personnage-là qui me gêne. Parce qu'à la limite, t'as des jeux de drague où je sais pas. C'était quoi le jeu déjà qui est sorti qu'au Japon et qui est pas sorti en Europe Summer Lesson, non, c'est ça? Hein, c'est pas ça, Summer Lesson. Summer Lesson, voilà. Ouais, mais il y en a un autre qui est sorti récemment. Oui, là il est sorti en Europe. Bah, pareil, mais enfin, mais au moins quand t'achètes, le jeu, enfin, tu l'achètes pour ça si en fait. Exactement. Si tu l'achètes pour pas ça, comme, ça passe. Ouais, voilà. Mais Rainbow Six Golf, tu l'achètes pour jouer au golf, quoi. C'est sûr, ouais. Ouais, et tu peux pas chanter ces séquences-là. Non, c'est pas possible. Non, tu peux pas. Et après, moi, ce que je trouve dommage dans ce jeu, c'est que j'ai, enfin, il y a pas trop d'environnement, il y en a que 3. Et ça fait un peu juste, hein, je pense. Bon, moi, j'y joue pas des masses, hein, mais je pense que ça fait un peu juste. Voilà. Ouais. Pour de quelqu'un peut-être. Qui aime y jouer à ça, je pense que il sera sur sa fin. Voilà. Donc, c'est un peu chiche. C'est un reproche aussi qu'on peut lui faire. Ouais. Puis ils te vendent quand même des. Je crois, il me semble que les DLC qu'ils vendent, c'est le caddie en fait. Oui, c'est les personnages, les habits, des caddies supplémentaires. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Le jeu dont on parlait, c'est Focus on You. Focus on You, voilà, le jeu de drague aussi. Ah, ouais. Ouais. Ouais, là, c'est de la drague à l'état pur, là, par contre. Mm. C'est, je te prends en photo, montre-moi comme t'es belle. Mais comme disait Spank, ça limite, voilà, c'est un type de jeu, si t'achètes le jeu pour ça, bon, bah, admettons, voilà, c'est... Ça a le mérite d'exister, ça reste de la gestion, enfin des jeux de gestion quoi. Oui, il y a un public de toute façon pour ça. Donc. À la limite, mais dans un jeu qui a rien à voir et rajouter ça juste pour exciter le mâle prépubère, c'est. Mmh. Bon, bon, ça fait un peu vieux con de dire ça, hein, mais. Bon, ça n'a pas marché sur toi en tous les cas. Ah, ça, non, moi ça, franchement, ça m'a grave fait chier en fait. Et voilà, donc. Donc c'est vraiment un reproche, mais bon, c'est... Ouais, mais c'est très japonais, ce jeu, il est très très japonais, de toute façon. Il faut le prendre pour ce déjà, passer. Même le jeu 2D, il est très japonais, donc là, ils ont dû rajouter. Ça plaît au Japon, ça, donc oui. Peut-être moins en Europe. Quoi. C'est fait pour le marché domestique. C'est sympa, hein, comme jeu, c'est, ça fait passer le bien. Temps, quoi. Ah, voilà. Il reste bien. Franchement, c'est un jeu que tu relances avec plaisir. Ouais. De faire des petits, j'allais dire faire des petits trous, mais il faut que je fasse attention à ce que je raconte. et voilà, c'est un jeu que tu relances et qui est cool, qui fonctionne bien, qui est arcade, tu te prends pas la tête. Et ouais, en plus, le système de progression où tu débloques au fur et à mesure des trucs, c'est plutôt bien pensé. Ouais. C'est voilà, pas cher, bonne pioche. Ouais, je pense. Ouais, mais pas autant que No Man's Sky. Oh. C'est vrai. Est-ce que tu peux te faire des parcours de golf sur No Man's Sky dans ta base? Un petit peu. Je ne crois pas, monsieur Spanks. Non. Je peux faire des trous, en tout cas, déjà. Alors, remarque, on pouvait jouer au golf dans Falcon Age. Tu te rappelles, Sei? Un truc injouable. Horrible. Horrible. Ouais. Oh, je me suis arraché les cheveux là-dessus. Ouais. Ah, c'est vrai, j'avais essayé d'oublier ça, merci. Allez, voilà, donc c'était Everybody's Golf VR. Ça, je l'ai fait avec l'accent pour Sébastien, si tu nous écoutes, gros bisous. Et un must-have. Voilà, ouais, franchement, il est pas mal. On va passer sur Dirt 2 de Codemaster, la version VR qui est sortie le 8 août 2019, hein, le patch VR, c'est pas une version particulière du jeu. Mais qui n'est pas sorti sur PSVR, voilà, qui est sorti sur l'Oculus Store et sur Steam, donc le 8 août, qu'on a eu l'occasion de tester avec l'ami Spanky. Bah toi qui es pro du rallye et de la boue, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors moi, c'était une sacrée histoire, c'est que dès qu'il est sorti, je l'ai pris sur Steam, et en gros, sur Steam, il fonctionnait très très mal avec mon Rift S, ça arrêtait pas de planter tout le temps. J'avais plein de bugs, des ralentissements, des chutes de framerate. Du coup, je l'ai racheté sur le store Oculus. Pigeon. Et là, j'ai branché mon volant, j'ai pas de problème, il marche bien. Après, je trouve que l'optimisation, elle est pas top non plus. Hein. Ouais. Le jeu est assez fluide, mais il y a quand même pas mal d'aliasing et tout. Maintenant, par rapport à la version PS4 Pro du premier Dirt, rallye, franchement c'est quand même pas mal, mais j'ai des sensations de fou sur ce jeu, vraiment c'est je le kiffe, je regrette pas d'avoir repayé 155€ pour le prendre, il est vraiment top. il est vraiment top. Mais avec le volant c'est... Tu joues plus là? Hein? Le problème c'est qu'il y a No Man's Sky. Du coup c'est vrai que ces derniers temps j'étais à fond sur No Man's Sky et j'ai pas pu y jouer, mais si j'ai fait une partie le week-end dernier, je vais en refaire une ce week-end, c'est obligé. Parce que je le kiffe, t'as vraiment des sensations. Vraiment, j'ai projet de Cars 2 aussi, que j'aime bien, mais j'ai beaucoup moins joué. Là, t'as vraiment des sensations de fou. Rallye en VR, c'est mortel. Mm. C'est mortel. Il est bien le jeu. Oh, il est vraiment bien. Maintenant, est-ce qu'il est mieux que le premier? moi pour le moment je préfère le premier. Il est moins complet, voilà. Non, le 2. Je le trouve un peu moins complet, même les menus, tout, je préférais tout dans le premier en fait. Enfin, il est pété de DLC en fait, c'est ça, ouais, le problème, ça, le 2. Ouais. On regardait en fait pour débloquer rien que les pistes en Suède enneigées, voilà, qui étaient de base dans le premier. Dans le Suède, enfin, vraiment c'était DLC. Mes pistes préférées dans le premier. Et là, DLC, en plus que je peux même pas acheter sur, pour le moment sur Oculus, j'arrive pas à les acheter. Ça me fait chier. Ah, tu voudrais encore plus te faire pigeonner et t'en as même pas. Tu peux même pas. C'est à 3€. Moi, franchement, je suis prêt à payer 3€ pour aller sur les pistes de Suède. Hein. Non, parce qu'après, le jeu derrière, il est bien. Voilà, les devs, ils ont fait le portage. Ils sont déchirés pour ça. Moi, je paye. Hein. Je paye pour un jeu pareil. Il n'y en a pas beaucoup. Oui, et ils déchirent hein, leur jeu en plus. Hein. C'est ça le pire. Hein. Malgré le contenu un peu plus faible que le premier, ils déchirent. Ouais. Hein, vraiment. La conduite en elle-même, c'est des sensations de dingue. Ouais, c'est vraiment, clair. C'est. Et puis t'as les changements météorologiques qui sont super bien faits. Il y a un truc que j'ai pas aimé. Non, non, c'est... C'était le copilote, hein. La voix. Ah. Tu ne regardes pas le copilote quand tu regardes la route. Non, mais faut l'écouter en fait. Non, mais on est, ouais. Qu'on est bien d'accord, voilà. Ouais, mais comme, quand t'as une voix féminine et que tu regardes à côté, t'as un type quoi. C'est... Ça gêne un peu quoi. Ça m'a jamais dérangé, moi, personnellement. Mais on est en moi, 2019, je regarde la route. Monsieur, tu sais, quand tu conduis, faut regarder la route, Steph. Hein. Laisse l'imagination faire le reste. Non, c'est vrai, c'est un peu bizarre. Bouton off, en fait, pour... Ouais, ça, je trouve ça. Et toi, ça, tu l'as trouvé comment le jeu alors? Non. Ouais. Bah, moi je l'ai trouvé franchement bien. Bah, j'avais bien squatté le premier aussi sur PSVR, j'avais beaucoup aimé. Et franchement, pour moi, ça, je l'ai déjà dit, hein, c'est un des meilleurs jeux de course qu'il y a sur le PSVR. Il n'y en a pas beaucoup, je suis d'accord. Il n'y en a pas beaucoup, d'accord. Mais n'empêche qu'avec Wipeout, pour moi, voilà, ça reste une grosse ref. Et donc, du coup, le 2, couplé en plus à des graphismes qui sont quand même bien jolis sur PC. Ouais. Voilà, moi j'ai le WMR et 1080 Ti et ça fonctionne du feu de dieu en fait sur Steam. J'ai pas de problème de ralentissement comme Spanx justement. c'est sûr que ça vient du casque et de tous les petits logiciels en fait qui sont tu sais en ouais, ouais, non mais la version Steam est injouable avec le voilà ça on le sait le Rift S. Il y a des problèmes connus pour ça. C'est un petit peu bizarre voilà parce que bon. Oculus, je pense qu'ils ont mis la main à la patte pour que cette version elle arrive. Comme par hasard, elle marche pas sur Steam. Je veux pas faire d'allusion. Ouais, mais ouais, voilà, tu penses qu'il y a... c'est un petit peu bizarre. Il y a des petits robots dans ton ordinateur qui. La main invisible. Non, qui a surtout que la version est OpenVR à la base. OpenVR, c'est-à-dire que normalement elle devrait tourner sur tous les casques. Mm-hmm. Là, le pire, c'est qu'elle se lance sur le casque, mais que les performances elles sont dégueulasses. Quoi. Ouais. Donc, bon. Bizarre. Ouais. Mais donc voilà pour terminer Dirt 2 pour moi bah, c'est du plaisir en fait de jeu immédiat, c'est un jeu qui t'apprend à être humble face à la route, c'est-à-dire que si tu commences à faire un petit peu le show ben très très vite le jeu il te remet à ta place. Enfin plutôt il te met ça, dans le fossé clair. Avec après une dizaine de tonneaux mais une fois que tu commences à avoir voilà le bon feeling et le bon dosage justement dans ta conduite et ben c'est là que tu prends un pied monstrueux. Tu t'apprends justement à anticiper les virages, à écouter justement ton copilote, à anticiper un petit peu ce qu'il veut te dire, mmh. Et à aller de plus en plus vite, à être tout en drift. C'est des sensations vraiment, vraiment cool. J'ai eu des sensations de dingue. Ouais. Vraiment, en VR, c'est un des où j'en ai eu le plus. Vraiment, c'est même le premier. Hein. Mmh. Le premier, très efficace. Déjà, et à l'époque, j'y jouais sur PS4 classique, il est pas trop mal. Bon, après, voilà, il est pas non plus super ultra beau, mais tu fais tellement abstraction de ça quand t'es dedans. Et alors, la question qui tue, est-il pensable de le voir venir sur PlayStation VR? Techniquement, je pense que c'est possible, hein, parce qu'il est pas beaucoup plus beau, enfin techniquement j'ai pas l'impression qu'il soit plus poussé que le premier, il y a peut-être des effets supplémentaires mais de toute façon qui sont pas en VR, mais il y a pas de raison, je sais pas ce que t'en penses toi Spanx, mais moi le seul truc qui bloquait c'est que sur ce jeu ils ont pas communiqué, ils ont communiqué très bizarrement en fait, c'est qu'à la base le jeu ils nous l'ont annoncé sur Oculus il y a quelques mois, tout le monde pensait que le jeu allait sortir que sur Oculus et le jour même le truc est sorti sur Steam OpenVR. Donc ça, déjà, c'était très bizarre. Donc Oculus, ils ont obtenu leur version, est-ce qu'ils ont fait un sec, je sais pas comment c'est passé. Ouais, mais là, tu fais référence à leur tweet où on voit le gars en train de jouer avec un Oculus sur la tête, c'est ça? Le tweet, lequel? Ouais, le tweet de Codemasters, où ils sont en train d'annoncer que le jeu va sortir en une compatibilité sur PCVR. Et on voit avec l'Oculus, voilà. Voilà, mais ça, c'est une inférence. On a tous foncé tête baissée en disant ouais, c'est Oculus. Ouais, non, mais attends, il n'y a rien eu pendant des mois, aucune communication. Ils ont dit le jeu sortira cet été sur Oculus parce qu'on a vu le casque Oculus, mais il y a eu quoi d'autre? Enfin, je veux dire, zéro communication. C'est très bizarre. Ils auraient pu teaser un petit peu, tu vois, histoire de faire monter la sauce. Rien du tout. Ouais. Rien du tout. Ils ont bossé leur truc, ils l'ont sorti d'un coup et on s'y attendait pas. Bah, du coup, de ce fait, je me dis que bah, je pensais que ça serait vraiment qu'une exclu Oculus. Maintenant que ça n'en est pas une, est-ce qu'il sortira pas sur PSVR plus tard? À voir. À voir. Ouais. Moi, je pense que maintenant, c'est possible. Techniquement, c'est possible pour vous. Je ne l'ai pas essayé. Mais... Oui, s'ils sont sortis le premier, oui. Ouais. Avec les mêmes concessions. Le premier fonctionne, que le premier, il n'y a pas de raison. Avec les mêmes, il me semble que c'est le même moteur en plus. C'est ça. C'est le même moteur en plus. Je pense que c'est le même moteur qu'on améliorait. Donc, il n'y a pas de, pas de raison. Il n'y a pas de raison. Après, est-ce que le premier Dirt avait trouvé son public sur PSVR? Parce qu'on sait que c'est ce genre de jeu, en tout cas en VR, qui fonctionne mieux sur PC que sur PSVR. Je sais pas. Après, ça sera peut-être des questions politiques, justement, savoir si ça vaut vraiment le coup économiquement de le sortir sur PSVR. Je pense que ça serait une bonne idée. On est toujours preneur de tels jeux, hein, surtout que c'est pas légion sur le casque. Donc, Et mise à jour gratos, hein, je sais pas si on l'a dit, mais en tout cas sur PC, c'est une mise à jour gratos. C'est-à-dire que vous avez le jeu de base, vous branchez votre casque, ça fonctionne. Voilà. Et comme le premier, je vais le signaler parce que le premier c'était pareil. Par contre, le patch était payant sur PS4. C'est ça, voilà. 12 euros. Ouais. Non, 12 euros, ouais, 12 euros. Ouais, et tu trouvais moins cher en boîte avec la version VR. Oui, à la rigueur, qu'ils sortent, qu'ils fassent pareil. Qu'ils fassent pareil, et je pense que les gens ils seront prêts à payer, mais qu'ils le sortent, quoi. Ouais. Moi, je veux juste qu'ils le sortent. Enfin, même si je l'ai sur PC, je veux qu'ils le sortent pour tout le monde. On revient toujours pareil, il y a un public, donc. Ouais, faut pas faire d'économie là. Ouais, enfin. Bah, surtout un public avec un des plus gros parcs de casques. Oui. Parce que sur PC, voilà, il y a peut-être moins de ventes à se faire sur PC même que sur PSVR. Je sais pas, ça fait un moment aussi qu'on n'a pas eu les chiffres de vente de casques sur PC par rapport au PSVR. Hein. Ça fait un petit moment. Hein. Ouais, ouais. Bon, j'ai pas trop suivi l'actualité, mais ces derniers temps. Mais ouais. Bah, il y a le Oculus Rift S, je pense qu'il s'est bien vendu. Qui a fait du bien. Le Quest aussi, mine de rien. Bon, même Quest, si c'est pas vraiment du PC. Ouais, ouais. Même si c'est pas du tout du PC, en fait, hein, d'ailleurs. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, Dirt 2, on espère qu'il va sortir sur PSVR pour que vous puissiez y toucher si vous n'avez pas de PC. On croise les doigts. De bourgeois et de casque de bourgeois. Voilà. et puis voilà. Steph, tu voulais décoller peut-être, non? Ouais, je vais décoller parce que je travaille de bonne heure. Ça marche, moi je te fous pas dehors, hein, mais on en a parlé avant l'émission. C'est ça, voilà. Là, il est en train de nous endormir, en fait, il va aller jouer à No Man's Sky. C'est ça. Non, je suis pas dans la chambre. Il va 5h du mat, demain, tu pars. Je pourrais pas faire de chocolatine après. Ah oui, les bonnes chocolatines. La guerre des pains au chocolat. Mais non, c'est du chocolatine. Le débat est ouvert. Fais-nous des croissants, tout ira. Tu sais faire les lunettes, tu sais, les trucs avec les abricots là. Ouais, ouais. On appelle ça des oranais, nous. Des oranais? Des oranais, ouais. D'accord, ok. Voilà, ça, super bon. T'as de la crème pâtissière à l'intérieur, c'est ça? Oui. Ouais, c'est bon. Et bah, nous à Lyon, on dit les trucs avec les abricots. Les trucs avec les abricots. Les lunettes, ouais. Les lunettes. Non, le vrai nom, normalement, le vrai nom, c'est oranais. Voilà. Je suis désolé. Bon, on fera un podcast spécial boulangerie-pâtisserie. Voilà, boulangerie-pâtisserie. Bon, bah, on te souhaite une bonne soirée, Steph. Pareil, et puis, bah, et puis bah, à la prochaine bientôt. Hein. Ouais, allez, joue bien, Steph. Ciao. Allez, bonne partie. Hein. Allez, ciao, les gars. Bye. Ciao. Ciao, ciao. Et bah, après avoir parlé plaisir de la bouche, on va enchaîner avec. Avec un truc un peu moins marrant, Afterlife VR, qui est sorti le 21 août, qui est un film. Comment est-ce qu'on peut appeler ça? Un film interactif. Ouais. En VR, 360 degrés. 360 degrés, voilà. 3D, ouais. 3D, exactement, qui parle de deuil, qui parle de dépression, qui parle de changement de vie, qui parle de plein de choses comme ça. De la vie après la mort. De la vie après la mort. C'est pas du spoil, c'est indiqué sur le site de sur le site du développeur. Je tiens à le préciser parce qu'on s'est déjà fait tacler pour ça. Ouais. Et donc c'est Signal Space Lab qui a développé ça. Et c'est une histoire plutôt dure en fait de parents d'une famille reconstituée en fait qui perdent un enfant dans un accident malheureusement très très réaliste et très commun je pense et donc voilà qui essaie de se reconstruire, qui essaie de comprendre un petit peu ce qui se passe. Il se passe des petites choses un petit peu dans l'appartement qu'ils doivent qu'ils habitent. Et voilà, on va suivre en fait cette famille pendant une demi-heure. Et l'intérêt du jeu, c'est les interactions en fait que tu peux avoir et l'impact que tu peux avoir en tant que spectateur sur le déroulé de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, tu as deux interactions possibles. C'est soit avec ta manette, tu peux interagir sur de rares moments en fait sur des objets en fait à faire bouger. Ouais. Soit c'est beaucoup plus intéressant. Tu suis un personnage du regard, toi, et sans que tu t'en rendes compte, en fait, et ben, l'histoire va plus se focaliser sur ce perso. Donc il y a plusieurs protagonistes, en fait, on va dire, principaux dans cette histoire-là, et tu vas te focaliser en fait, sur certains personnages, et c'est eux que tu vas suivre en fait, sur donc, les trois chapitres qui composent ce film. Donc une demi-heure, ça dure, je ne sais pas si je l'ai dit. Oui. Voilà. Et donc à la fin, en fait, une espèce d'arborescence, à chaque fois que tu termines un chapitre, une espèce d'arborescence, tu vois à peu près ce que tu as loupé et ce que tu as vu et les choix que tu as fait. C'est un petit peu comme Detroit Become Human, mais beaucoup moins complexe, bien évidemment. Mais voilà, c'est une manière rafraîchissante un petit peu de consommer le cinéma en VR, et j'ai trouvé ça plutôt cool, en fait. Enfin, pas cool, l'histoire est pas cool, faut quand même bien s'accrocher et faut être de bonne humeur pour apprécier ça, mais bon... Elle est bien réalisée, quoi. Enfin, le sujet, il est maîtrisé. C'est ça que tu veux. Le sujet est très finement traité, en tout cas. Voilà, ça, on peut pas lui enlever ça. C'est pas putassier, c'est très fin, les interprétations sont très très bonnes. On aurait pu tomber dans larmoyant à la Disney, mais en fait non, c'est très très très très fin. Ouais, tu dis que donc une demi-heure de temps global, mais vu que tu fais des interactions et le fait de regarder tel ou tel personnage plutôt qu'un autre, t'as une influence sur le déroulement de l'histoire, donc t'as plusieurs fins possibles. Tout à fait. Ouais, t'as plusieurs fins différentes en fait. Bon, le problème, c'est qu'en fait, justement, l'histoire est tellement lourde, le sujet est tellement grave, ouais, que du coup, t'as pas envie de relancer le film tout de suite après avoir terminé ta partie, quoi. Tu veux, je sais pas, sortir dehors, respirer un petit peu, sentir des fleurs et voilà, te sentir un petit peu mieux plutôt que de retourner directement dans la dépression. Donc voilà, mais bon, après, si tu laisses... C'est comme quand tu regardes un film, en fait. Quand tu laisses un petit peu reposer l'histoire... l'ambiance, et ben tu peux y retourner avec plaisir. Ouais, tu laisses décanter la situation et tu. De toute façon, c'est une introspection un peu. Hein, Exactement. Ouais. Alors, ça parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Hein, si tu veux de l'action, ben, tu passes ton chemin. Ouais. Si tu veux des trucs légers, tu passes ton chemin, mais tu cours très très vite. Ouais. Et voilà. Mais ça reste en tout cas super super plaisant. Voilà, ça fait plaisir de voir justement. Et donc, il est à 5€, je crois, si je l'ai pas dit. Dans l'émission là. Ouais, il a 6,49 il me semble. 6,49. 5,99 c'était en dollars et je crois qu'il est bien sorti à 6,49 en euros. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Ouais. Et techniquement, donc c'est une vidéo bulle. Il est entièrement traduit et sous-titré en français et ça c'est cool. Les interprétations c'est en VO. Alors vu que c'est, je crois que c'est canadien, mais je crois que t'as un québécois, celui qui fait le père de famille, des fois il sort des insultes en français, c'est marrant. Donc ouais, il sort un petit tabernacle et puis une petite. Par contre, je crois qu'il y avait un truc par rapport à la 3D. Exactement, c'est que en fait quand tu mets les sous-titres, en fait ça reste une vidéo bulle, c'est-à-dire que t'as pas de relief à l'image, mais une fois que tu enlèves les sous-titres. Donc, il faut déjà bien maîtriser l'anglais, hein, parce que c'est quand même assez coton. Là, tu as du relief. Mais c'est un relief Je sais pas comment t'expliquer, ça c'est un relief un petit peu c'est pas un relief que tu as qui est joli et qui est plaisant à regarder comme dans un jeu en 3D. Oui, mais c'est de la propre. C'est de la vidéo 3D quoi. Ça, là c'est de la stéréoscopie. Ouais. En vidéo, et du coup ça donne des fois c'est un peu gerbose quoi. C'est pas très beau, c'est pas très propre. J'ai vraiment pas aimé le relief en fait dans ouais. Dans non mais ce... je vois ce que tu veux dire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils aient réussi à faire une vidéo 360 3D. Ça veut dire qu'ils ont du gros matos derrière eux. Ouais, ouais. Parce que généralement en entrée de gamme ou en milieu de gamme, on trouve Laurent avait fait pas mal de dossiers sur et de tests sur des Vuse XR ou des Evo 360. On est sur du 180 degrés en 3D quoi. Moi j'aime pas parce que je trouve que je préfère la 360, le 360 degrés. Mais là, de faire du 360 degrés en 3D, y a du matos derrière quoi. Ça, c'est sûr qu'ils ont mis les moyens pour réussir à faire ça quoi. Alors après, j'avoue, j'ai pas enquêté plus que ça en fait. Je sais pas s'ils avaient vraiment la caméra avec double objectif pour, enfin avec multi objectif pour pouvoir avoir ce rendu 3D. Voilà, ce rendu 3D. J'aime pas trop dire 3D parce que finalement, c'est pas de la 3D, c'est du relief. C'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Ça, on s'est déjà engueulé. Avec Spanx là-dessus. Ouais, quand on parle de film 3D, moi, ça me fait hérisser les poils quoi. C'est du relief, c'est pas de la 3D. Enfin, bon, bref. Ouais, Et en fait, donc je sais pas si c'est multi-objectif ou si c'est du post-traitement en fait. Si c'est quelque chose qu'ils ont bidouillé et qu'ils ont arrangé pendant le montage de la vidéo quoi. Par exemple. Je pense que c'est une vraie caméra quoi. Ouais, peut-être, je sais pas. Ouais. Je sais pas. En tout cas, l'un comme l'autre, que ce soit vidéo bulle ou vidéo avec le relief, ça enlève rien du tout à la qualité en tout cas. Et la qualité de la réalisation, parce que comme je dis dans la vidéo qu'on a mis sur YouTube, ça reste cantonné justement à un film vert, c'est-à-dire que c'est des plans fixes. T'as pas vraiment de mouvement, enfin non, t'as aucun mouvement, t'as pas d'effet de caméra, t'as pas d'effet de mise en scène ni quoi que ce soit. Ça donne un côté très théâtral un petit peu aux interprétations, mais justement ça reste du plan séquence, tu vois, c'est très particulier. Je pense que tous les types d'histoires et tous les types de cinéma se prêteront pas forcément à cette technique de film, mais voilà, donc j'ai bien aimé, mais c'est un sujet qui laisse personne indifférent. On peut aimer, adorer, mais on peut pas dire ouais je m'en fous, ça me... Je pense. Ouais. Je préfère penser comme toi que me dire des gens qui disent oh nous on veut de l'action et puis on s'en fout, on va pas voir des gens chialer pendant 30 minutes quoi. Ça reste intéressant. Je pense que ça serait dommage, en tout cas si vous aimez le cinéma, ça serait dommage de passer à côté. Et si vous aimez justement le cinéma et la VR, c'est un nouveau pas en avant. Ouais, c'est un nouveau pas en avant justement dans un nouveau type de cinéma et voilà, je dis big up à Signal Space Lab. J'ai envie de la tester, mais ouais, je sais pas, le sujet il me laisse ouais, quand je vois la VR, c'est pas pour déprimer en fait. C'est ça. Je vais déprimer, je pense. un petit peu. J'ai peur justement qu'il y ait beaucoup de personnes qui pensent comme toi, mais c'est ce qui est normal et ce qui est compréhensible. Ouais, mais l'intrigue, enfin, je pense que c'est intéressant aussi. Donc, j'ai quand même envie de l'avoir à 5€. Ouais. Je pense que ça vaut le coup. On est dans les débuts du cinéma, de la VR. Ils testent tous. On a vu avec Robert Rodriguez pour The Limit. Ouais. Là, c'était du 180, c'était pas du 360 degrés d'ailleurs. Oui, effectivement, non, mais même, je veux dire, on est dans la catégorie cinéma VR un petit peu, tu vois, donc c'est pour ça que j'en parle, je compare, mais ouais, intéressant, mais le sujet, voilà quoi. Ouais, je l'ai pas pris encore, mais je suis curieux parce que je le vois dans le sens où c'est quelque chose que... Bon, mais tu consommes le film une première fois. De ce que j'ai compris, tu as plusieurs fins possibles, donc tu peux le revisionner en ayant pris le temps de décanter l'histoire. Ça doit, je le vois comme ça, de ce que j'ai vu de ta vidéo, Sei, et de ton test. Je le vois comme quelque chose qui va t'amener à mûrir, à grandir, à t'ouvrir les yeux sur une situation qui finira par arriver, qui touche tout le monde malheureusement. Quoi. Donc, Ouais, ça le deuil, hein, on parle pas de part d'un gosse, hein, c'est encore pire, hein, sinon. Ouais, mais, oui, le deuil, hein, oui, le deuil. C'est, on y sera tous touchés, quoi. Donc, je pense que c'est quelque chose qui... C'est une aide. Moi, je le vois comme une aide. Je me trompe peut-être lourdement, mais c'est pour ça que je suis curieux. Je pense que je me le prendrai. Ouais. Ouais. Je peux pas te répondre sans justement rentrer dans les détails de... Oui, sans le bon, truc. Donc, voilà. j'en dirai pas plus. Ça marche. Okay. Voilà, c'était tout pour Afterlife VR. Et donc malheureusement, bah, on va continuer sur les films un petit peu dramatiques et on va parler de Angry Birds The Movie 2, le jeu vidéo. VR, Under Pressure. Alors ouais, bah là, c'est pas une promotion du... alors c'est une promotion du film qui va sortir. Mais c'est aussi un jeu à proprement parler. Il est sorti le 6 août sur le PlayStation Store. Il est on le touche à 30 balles, le jeu. Donc il s'appuie sur l'histoire du film d'animation et il y aura quelques passages des scènes de pompées du film qui seront présentes dans le jeu. Ce jeu, il a la particularité de se jouer à 4, donc un joueur avec le casque PSVR et 3 joueurs sur écran plat. C'est pas mal, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu ou toi ce que tu as pu tester la dernière fois, Spanx, la version classique en VR du titre Angry Birds. Là on est aux commandes d'un sous-marin, c'est ni plus ni moins, voilà. D'accord. Donc on a la barre, et puis après nos amis, en jouant en coop, donc eux auront un plateau, on verra donc un plateau en 2D sur lequel ils bougeront et serviront de matelot, en fait, on va dire ça, quoi. Ce qu'il faut, c'est arriver à développer des outils pour faire des munitions, pour lancer le harpon qui viendra récupérer, on va harponner des coffres forts et il faudra emmagasiner de la richesse. Donc c'est... D'accord. Tout comme dans Angry Birds, il y a différents plateaux niveaux à débloquer. Et c'est ce travail de coop qui sera de plus en plus compliqué et de plus en plus rapide. Donc, j'ai joué tout seul en VR, donc j'atteins rapidement mes limites parce qu'on peut, peut y jouer tout seul, c'est-à-dire qu'on switch de tel personnage à tel personnage. Donc une fois on passe simple matelot et une fois on passe commandant de bord. Mmh. Mais ça devient compliqué. Par contre, j'ai pu y jouer avec un ami donc sur la console, enfin sur l'écran plat. Et là, il y a un travail d'équipe qui s'instaure et bon, mais chacun a sa tâche et on travaille de concert pour aller plus loin, pour emmagasiner, remplir la mission et débloquer nos 3 étoiles. C'est du classique, mais c'est un vrai jeu et il y a une bonne durée de vie. Il y a différents niveaux de difficulté, donc. Voilà, un peu cher quand même, hein, 30 balles, je pense qu'il se touche un peu. Mais l'initiative reste bonne et j'aime bien ce côté casual games. Donc c'est pas en mal. En multi en plus. En multi, ouais, voilà. Donc, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Ouais, moi j'aime bien, c'est cool. Voilà. D'accord. Mais donc ça n'a plus rien à voir en fait avec le gameplay d'origine d'Angry Birds où t'as non là complètement ton différent et c'est bien hein, qu'ils aient changé le truc hein. Ouais là complètement au début ça m'a dérouté parce que j'étais vraiment focus, je pensais la version on va dire smartphone après la version VR que t'as testé Spanx. Et puis là j'étais un peu dérouté et parce que je prenais pas le temps de lire les explications à l'écran. Je chantais tout ça et puis bon il a fallu que je relance pour bien prendre le coup là parce que je prenais l'eau, tout simplement, j'arrivais pas à remplir la mission, donc voilà. C'est pas D'accord. mal. Et ça peut donner envie d'aller voir le film, voilà. Ah, carrément. Oh, bah, comme il y a différentes scènes, bon, j'ai pas fini le jeu, hein, je vous le cache pas, puisque je suis tout seul là, les 3/4 du temps, donc, comment dire, il y a différentes scènes du film, il y a toujours cet humour de la Angry Birds, qui était présente aussi dans le premier film d'animation, hein. Il y en a déjà eu un qui est sorti il y a quelques années de ça. Donc oui, ça peut mettre le pied à l'étrier, ou ouais, pour c'est un appel du pied, ouais. Ouais. D'accord, ouais, ouais. Ok. Voilà, donc c'était... tu le conseilles plutôt, peut-être pas à 30 balles quoi. Non, à 30€, non, honnêtement, non. Non, je pense que sur une bonne promo, pour ceux qui ont envie de jouer avec des amis, c'est pas légion non plus sur le store, là, avec le PlayStation VR, il y a quelques jeux qui font ça. Mais c'est sympa, c'est sympa de travailler en équipe. Par contre, je tiens à préciser que tout ce qui sera partie harponnage ou autre, les copains qui seront sur l'écran plat, eux ne le verront pas, par contre. Ouais. D'accord. Voilà, donc c'est un peu égoïste, c'est le côté égoïste, et ben oui, on est élitiste puisqu'on a un casque VR, mais, mais bon, au moins on travaille en famille, on va dire. Voilà, chacun sa merde. Hein. Voilà, c'est ça. Ok, ça marche. Bon, bah écoute, et une grosse durée de vie à ton avis ou... Oui, parce que t'as différents. T'as une bonne trentaine de plateaux, et puis t'as différents niveaux de difficulté, donc. Ouais, et puis après, tout dépend à combien tu joues, quoi. Voilà. Mmh. Ça peut être potentiellement infini, c'est vraiment t'es à fond quoi. Ouais, mais 30 balles c'est trop cher, à mon goût. Hein, je le verrais bien moitié prix quoi. C'est pas mal. D'accord. Ouais. Toi, Spanx, qui a surkiffé le premier, tu serais tenté par le deuxième? Ouais, ça dépend. Ça dépend. En tout cas, franchement, ce qui est louable, c'est que bon, c'est pas Rovio qui a fait les portages VR. Mais en tout cas, c'est louable quand même de faire tous ces portages là, c'est qu'ils croient peut-être en la VR et qu'ils tentent des trucs. S'ils ont tenté deux styles différents, c'est peut-être la suite ils comptent se lancer, ils testent, c'est bien. Moi ce qui m'étonne avec ce jeu là justement, c'est qu'ils ne soient pas restés cantonnés à leur gameplay principal historique hein, qu'ils ont fait depuis le départ, c'est-à-dire balancer des oiseaux sur des structures, c'est là où on les attend quoi. Angry Bird, tu penses à Angry Bird, tu penses tout de suite à ça. Bah, c'est ce qu'ils ont fait dans le premier. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont tenté quelque chose de différent dans le deuxième, avec très peu de. Enfin, le premier est sorti il y a pas si longtemps que ça. Non, je sais plus quand ils avaient réalisé le test, mais non. Je pensais pas qu'ils en sortiraient un de si tôt. Mais non plus. En plus, on pourrait se dire bon, on est là que sur une simple expérience. Pour promouvoir la sortie du film, mais pas du tout. Spider-Man quoi. Ouais, heureusement. Mais pas du tout, c'est un vrai jeu. Il est, il est propre graphiquement, on est sur du graphisme simple, hein. Faut pas se leurrer, mais non, c'est, la mayonnaise elle prend bien, le gameplay est pas mal, donc Non, voilà, à jouer en famille ou avec des potes, hein, des amis, tout simplement, quoi. C'est. Voilà. Ok. Bah, qui l'eût cru, hein? Angry Birds, The Movie 2, je sais plus quoi après, franchement. Under Pressure. Après, c'est pareil, hein, ils en ont parlé vite fait, quoi. Enfin, y a pas eu trop de com autour, il est sorti d'un coup le truc. Mais tous les jeux qui sont sortis cet été, de toute façon, j'ai l'impression que ça a été à la va-vite, quoi. C'est allez, on vide le stock, c'est les soldes, allez, on est parti là. On vide tout, on balance tout ce qu'on a dans les cartons, et puis on repart sur une page blanche. Pour la rentrée scolaire. Enfin, moi, je l'ai vu comme ça un peu. Peut-être. Et surtout qu'ils prennent pas en compte les canicules, les développeurs, non. Ouais, c'est vrai. parce que, enfin, on a eu une période, c'était très dur pour nous de mettre un casque sur la tête. C'était chaud de jouer en VR, vraiment. Pendant 3-4 semaines, impossible. Il y a pas que les joueurs français, quoi. Ouais, c'est sûr. Et à Lyon, c'est vous qui avez eu chaud. Moi, je m'en suis bien tiré ici, chez moi. Bah, tu parles. Tu sais, je veux dire, on a beau être des pays étrangers, l'été c'est pas si décalé que ça, tu vois. Ouais, puis c'est surprenant de sortir les jeux l'été, c'est un peu comme au cinéma ou autre. Et c'est moi je trouve que l'été c'est quand même la vague creuse pour beaucoup de supports médias, donc c'est surprenant. Ouais. Après, No Man's Sky c'était pour la date anniversaire. Hein. Ils ont visé le 10 août, ils ont pu sortir le 14. Ouais, ouais. Mais ils ont visé le 10 août parce que c'est là la date où ils ont sorti le jeu. Ça fait 3 ans. En Europe, hein, il est sorti le 9 aux États-Unis, No Man's Sky. Enfin, en 2016. Hein, il est arrivé un jour de décalage chez nous. Okay. Bon, ça se tient, hein, c'est quelques jours près. Quoi. Mais ça reste surprenant quand même, enfin, moi je trouve. Quoi, c'est pas mal de gens qui sont en vacances. Les premiers, vous avez pris des vacances. T'es pas à ton domicile, quoi. T'as peut-être pas forcément envie d'y jouer, mais bon. T'es sur la plage en train de manger de la glace et puis écouter des concerts de reggae, et voilà quoi. T'as pas que ça. Ouais, mais t'as une autre partie des gens qui partent pas et qui vont jouer. Qui travaillent, c'est ça. Sur No Man's Sky, il y a énormément de monde là. Il y a énormément de monde. On le voit dans le groupe Facebook. Il y a énormément de monde sur No Man's Sky en ce moment en VR. Malgré l'été, malgré la chaleur, tous ces guerriers là qui bravent la chaleur pour jouer à No Man's Sky, c'est qu'elle me suait, qu'elle me transpirait. D'ailleurs, c'était sympa le petit sondage que tu avais fait là, sur le groupe Facebook là, de VR4Player. C'était marrant. Ah oui. Ouais. Il y avait des retours surprenants. Quoi. Oui, oui, comme toujours. Hein, il y a du premier, du deuxième et du troisième degré, c'est comme d'hab. Ouais. En tout cas, le premier sondage que j'avais fait sur... Enfin, les gens, ils avaient quand même bien le jeu, mais ils pensent que le flou, il est trop important, voilà. Mais il y en a quand même qui pensent que c'est la killer app du PSVR. La killer app, ouais. On va falloir que tu nous sortes ça à chaque podcast. Mais... Voilà, la killer app, toutes les deux semaines, on va en trouver une de killer app. Tu vois, j'en foutrais des killer apps. Trouvez-moi mieux que No Man's Sky pour le moment. Skyrim. Skyrim, 100 heures, c'est fini. Ouais, non, parce que ça, c'est 1000 heures. 1000 heures. Enfin, je dis ça, j'ai même pas fini Skyrim sur en VR. Je l'ai tellement poncé en plaque. Voilà. Ah là là. Bon, on verra. C'est en tous les cas, c'est. On a eu un été souple, mais comment dire. La VR a continué à vivre et c'est le principal. Ouais, c'est cool. C'est cool en tout cas. C'est pas resté mort. Il y a eu quand même pas mal de choses. Ouais. Et ouais, bon, ça a été plein de surprises parce qu'on s'y attendait pas en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Surtout qu'il y en a pas. Enfin, il y a pas grand chose. Il y a des trucs que vous attendez le mois prochain. Moi, il y en a un qui viennent d'annoncer là. C'est Espire One. Ah oui. Enfin, pas qui viennent d'annoncer, mais qui viennent de donner la date de sortie. C'est vrai. Qui sort le 24 septembre, et celui-là il m'intéresse un petit peu. C'est un FPS. Autant je m'intéresse moins maintenant aux petits jeux, ça me saoule. Enfin, franchement, j'ai envie de jouer à des gros jeux en VR maintenant. D'ailleurs, pour Espire One, on vous renvoie à la formidable interview qu'avait réalisé Sébastien. Ah oui, super interview. Ouais, voilà. Donc, vous allez apprendre plein de choses sur le jeu, et vu qu'il sort d'ici, allez, on va dire 3 semaines. 4 semaines. Ouais, c'est intéressant. N'hésitez pas à aller sur la page YouTube du site pour découvrir cette magnifique interview. Yes. Ouais, il m'a donné encore plus envie déjà quand tu sais que c'est Tripwire. Pour moi, ils ont fait King Floor, hein. C'est un petit studio indépendant qui est capable de faire des trucs propres et même très, très bon. King Floor Incursion, moi je l'ai adoré déjà, donc pour moi. Voilà. Et là, je crois que c'est l'éditeur, c'est pas le développeur là-dessus. Tripwire. Yes. Donc c'est sympa à noter parce que c'est un studio qui va croire en des projets VR quoi, et ils vont investir dedans. C'est parfait. Donc ça, c'est très très bien. C'est bien, en plus le gameplay s'y prête. Hein, et franchement, il a l'air vraiment cool celui-là. Spider-Man. Je veux faire un petit aparté, je veux juste réhabiliter un jeu dont on a déjà parlé en podcast. C'est The Jet Cipher. Le titre, aidez-moi, c'était Sébastien qui l'avait testé celui-là. Jet Cipher, oula. The Jet Cipher, c'était un jeu asiate et c'était un FPS, pareil, mais avec des gros problèmes de commande. Jet et on en a discuté. Ah ouais. Oui, c'est Immortal Legacy. Immortal Legacy, merci. Killix, là, je sais pas quoi. Oui, anciennement Killix. Anciennement Killix, ouais. Pour dire qu'il y a un patch aussi qui est sorti pour les commandes et pour rendre les commandes justement plus jouables, hein, tout simplement. Ouais, ouais. Et franchement, je l'ai fait avec un gros plaisir. Franchement, c'était vraiment. Je l'avais essayé avec les commandes initiales qui étaient. C'était vraiment injouable. Fallait faire une espèce de gymnastique de l'esprit, moi j'arrive pas parce que j'ai pas beaucoup d'esprit et du coup ça marchait pas, et là justement je l'ai refait. T'as pris plaisir. J'ai vraiment pris plaisir. Il est quand même assez long, assez long pour un petit jeu VR, on va dire. Il dure 5 heures à peu près. Il est plutôt beau graphiquement. C'est encore un jeu à suite, hein, c'est-à-dire que c'est un premier épisode, voilà, je vous le dis tout de suite, hein, c'est pas vraiment un spoil, mais c'est pour savoir que ça fait partie de cette longue liste de jeux où c'est le premier épisode et qu'après, il va falloir attendre la suite si elle vient un jour. Ouais, ouais. Mais voilà, franchement, celui-là, si vous le trouvez pas cher maintenant, au Move, maintenant, il est carrément jouable. Mais carrément. Et vous prendrez un bon petit plaisir à suivre, c'est assez narratif, c'est un couloir en gros, hein. Mais franchement très très bien de push. Donc voilà, je voulais juste en reparler de celui-là parce que c'est vrai qu'on avait un petit peu craché dessus à cause des commandes. Ça a été patché et c'est vraiment cool quoi. Donc voilà, c'est tout. Bah, tant mieux. Bonne nouvelle. Une de plus, parfait. Ouais. Donc autre chose à rajouter les gars? Non, je pense que... Enfin, pour moi, j'ai fait le tour de... Parce que... D'accord. Spanx ? Ouais, No Man's Sky, c'est la killer app. Ah, putain. C'est pas possible, ça. Voilà. Le travail est pas dans la pub ou un truc comme ça, là. C'est du matraquage, voilà, là. Bam, bam, bam. Mercure au chrome. J'ai des actions chez eux. Je crois en ces petits gars. Ouais, bah t'as bien raison. T'as bien raison. En tous les cas, un big up pour Hello Games qui, ouais, qui ont fait du bon boulot, quand même. Yes, yes, yes. Voilà. Ok, et eh ben, on va du coup vous laisser là, chers auditeurs. Ça a été un réel plaisir de vous retrouver. On va repartir de plus belle du coup pour cette deuxième saison de Tour d'un VR. Cet été, vous avez pu voir sur le site qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont ressortis, justement d'anciens dossiers, et ont été remis en première page au fur et à mesure. Donc pour pouvoir justement retrouver tous ces dossiers que vous aurez pu rater tout au long de l'année. Donc bah allez regarder tout ça, c'est très intéressant à chaque fois. Et aussi le dossier de Laurent concernant l'impact écologique de nos habitudes de gamer, qui est vraiment flippant, très flippant, mais passionnant. En tout cas, ça permet justement de se rendre compte un petit peu de pas mal de choses et de l'impact qu'on peut avoir, nous, à jouer derrière nos consoles, derrière nos grands écrans. Donc c'est intéressant, ça se veut pas du tout moralisateur ni quoi que ce soit, juste vraiment informatif. Et ça, voilà, le sujet est vraiment maîtrisé. Ça fait un petit peu auto-promo de dire ça, mais voilà, c'est un dossier qui, moi, je trouve vraiment très passionnant. Donc voilà, je vous conseille aussi d'aller le voir. Ouais, on y apprend plein de choses. Ah ouais, mais tu flippes, hein, putain. Enfin bon, bref. Et donc du coup, vous pouvez nous retrouver toujours, hein, sur toutes les applications de podcast, que ce soit sur PC, sur mobile, sur tout ce que vous voulez, sur Frigidaire. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont laissé des petits commentaires aussi sur iTunes et des notes, notamment toi, le dernier, tu te reconnaîtras, qui nous a découvert récemment. Je sais plus ton nom, je l'ai pas pris parce que je suis pas du tout professionnel. Je suis désolé, mais en tout cas, voilà, je te fais une petite dédicace parce que ça m'a bien fait plaisir de te lire. Et donc voilà, bah on se retrouve normalement dans 2 semaines pour de nouvelles aventures en VR. Et on vous fait de gros bisous. Allez, ciao. Ouais, ciao. Ciao, ciao tout le monde. Bye. C'était Nicolas. Nicolas, ouais, Nicolas, ouais, big up, Nicolas. Nicolas NSN, ouais. Bien joué, super. Allez, merci, ciao. Bye. Ciao.